C'est parti. On crie à l'apocalypse climatique. On annonce la fin du monde écologiste. Tremblement de terre, tsunami, éruption volcanique. Du jamais vu. Vous annonce un nouveau monde. Un monde où l'homme domine le ver de terre. Où l'homme sera enfin le roi de la création. Voici le prof Rénald Dubergé. C'est le show des professeurs. À un moment donné, là, Marc-André, Martine puis moi, on va être moins niaiseux. Sujet qui fait parler beaucoup, puis maudit qui est touché. Alors, je suis content qu'on ait ri un petit peu en ouverture d'émission aujourd'hui. C'est entre autres ce qui se passe à la bande de Gaza et Israël. Les deux pays se bombardent, se bombardaient. Là, il y a une trêve, elle semble durer. Mais en arrière de ça, Rénal, il y a aussi les religions. Et je sais que l'islam est pointé du doigt d'une certaine façon. Ouais. Je veux qu'on en parle aujourd'hui. Toi, t'as pris 2-3 pas de recul. Je sais que t'as lu et tu lis beaucoup là-dessus. L'islam, c'est quand même 1,3 milliard d'adeptes. Leur fameux prophète, c'est Mahomet. C'est aussi, j'avais pris d'autres notes, parce qu'on prend en jaser au fur et à mesure. De quelle façon tu veux nous apporter ça aujourd'hui, sachant très bien, Rénal, que c'est controversé de ce temps-ci, t'as dit. C'est très délicat, mais je veux surtout pas vous mettre dans le même pétrin qu'une station de radio de Montréal. Je vais parler d'une religion, je parlerai pas des musulmans, j'attaquerai personne. Je vais parler d'une religion qui s'appelle l'islam. D'ailleurs, je vous ai envoyé à tous les deux un clip d'une femme extraordinaire qui s'appelle Wafa Sultan. C'est une Syrienne qui dit « Le problème, c'est l'islam ». Elle ose dire ça. Parce que ce qu'on entend à l'heure actuelle, c'est surtout les religions. C'est pas les religions. C'est une religion qui s'appelle l'islam. C'est même pas l'islamisme. C'est même pas les extrémistes religieux de l'islam. C'est l'islam. Et cette femme-là a le courage de dénoncer l'islam avec tout ce que ça comporte et avec toutes les conséquences que cette religion-là a distribuées dans le monde d'abord oriental, moyen-oriental, et maintenant occidentale. L'Europe est maintenant envahie par l'islam et ça s'en vient par ici. Mais l'islam, le dieu de l'islam, c'est Yahvé. C'est Allah. Et théoriquement, ça devrait être le même que le nôtre. Il n'y a qu'un seul dieu. Oui. Mais le problème, il est justement là. Oui. Et le prophète, un peu l'équivalent de nous, Jésus, de la religion c'est catholique. C'est Mahomet. C'est Mohammed, comme on dit dans le langage en arabe. Oui. Et ce qu'il a fait, lui, c'est parfois très douteux, là. Bon. Cette religion-là, elle se perd dans la nuit des temps, elle commence au 7e siècle, quand Mahomet a la vision de l'archange Gabriel qui lui dicte le Coran, autrement dit la parole de Dieu. L'équivalent de la Bible. L'équivalent de la Bible, exactement. Ouais. Mais après le Coran, et très peu d'Occidentaux savent ça, le Coran, c'est un livre sur lequel l'islam base sa religion, mais aussi les hadiths, H-A-D-I-T-S, qui sont des gros volumes qui relatent la vie de Mahomet et ses enseignements. Et il y a des choses très drôles là-dedans, mais il y a des choses terribles aussi. Et la religion, l'islam, est basée, la religion qu'on appelle l'islam. D'ailleurs, islam, ça veut dire quoi, le mot islam? Ça veut dire soumis. Se soumettre à la volonté de Dieu. Voilà. Quelqu'un qui dit j'adhère à l'islam, il dit je suis soumis. On peut se convertir à l'islam. On peut pas se convertir à la religion juive. On est juif de par sa mère. On peut pas se convertir juif, mais on peut se convertir catholique, on peut se convertir protestant, on peut se convertir musulman, hein, mais sans problème. D'ailleurs, qu'est-ce qui, à mon avis, fait le succès de cette religion-là, c'est que c'est une religion simple. Il y a 5 canons de l'islam. Vous les connaissez, les 5 canons? Et les 5 événements, là. Non, les 5 canons, ça veut dire les 5 choses importantes. Oui. T'as le Lamec. D'abord, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et Mahomet est son prophète. Deuxième canon, c'est l'observance du Ramadan. Hey. Pendant un mois, tu manges pas, tu baisses pas, tu fumes pas, tu bois pas, tu copules pas, bref. Ensuite, tu fais la charité. Ensuite, 5 fois par jour, tu fais la prière, tourner vers la Mecque, et une fois dans ta vie, tu fais le pèlerinage à la Mecque. Ce sont les cinq canons de l'islam. C'est une religion qui est pas compliquée. C'est un peu comme les dix commandements de Dieu. Oui, mais c'est, Marc-André, c'est tellement simple que c'est une des raisons qui explique le succès de cette religion-là. Tandis que les chrétiens, il y a un Dieu, mais il y a trois personnes dans ce Dieu-là. Puis il y en a un des trois qui est un être humain né d'une vierge. Trop compliqué, cette affaire-là, là. Qui se fait crucifier pour sauver les péchés des autres qui sont pas encore nés. Bon. Alors, vous voyez pourquoi une des raisons pour lesquelles l'islam est facile à intégrer à une population, c'est une religion qui est pas compliquée. Ouais. Mais c'est l'islam n'a pas de... Nous, on en a jasé, toi et moi, aujourd'hui, il y a une hiérarchie, il y a un pape. Là, tu viens de mettre le doigt sur une des causes importantes de la dégénérescence, des gros problèmes que cette religion-là présente dans le monde actuel. Il n'y a pas de voix officielle. Il n'y a pas d'autorité qui parle au nom de l'islam. Il y a des imams, des prêtres. Hein? Il n'y a pas de pape, il n'y a pas de cardinaux, il n'y a pas d'évêques, il n'y a pas de curés, il n'y a pas de prêtres, il n'y a pas de hiérarchie. Mm-hmm. Il n'y a pas de rassemblement, il n'y a pas de congrès annuel, disons, de cette religion qui dit « on va moderniser, Mahomet a dit ça en l'an 700, mais ça sera peut-être plus bon en 2012 de battre nos femmes. Hein? Ça sera peut-être pas une mauvaise idée d'arrêter de battre nos femmes. » En fait, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader officiel. Il n'y a pas de voix officielle. Ouais. Il n'y a pas de catéchisme. Il n'y a pas de hiérarchie, quoi. Il n'y a pas de hiérarchie, Martine. Mm. Puis il n'y a pas... Les catholiques, ils ont la Bible. Parce que moi, j'avais une discussion hier avec un de mes amis qui disait, « Ouais, mais dans la Bible, il y a de la violence, comme dans le Coran. » Oui. Dans l'Ancien Testament, il y a des récits qui sont violents, mais il n'y a pas d'incitation à la violence. Dans le Nouveau Testament, il n'y a que de l'amour, de la compassion, du partage, c'est la parole du Christ. Et si on suivait le Nouveau Testament, il n'y aura pas de guerre dans le monde. Mais dans le Coran, il y a des incitations à la violence. Je vais vous donner un exemple de sourate à propos des femmes. La sourate numéro 4, verset 34, qui dit... Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leurs maris et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Pas vous pouvez les frapper, frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. OK? Ça, c'est dans le Coran, version 2012, que nos bons musulmans récitent tous les jours. Ça, c'est pour les femmes. Puis il y a beaucoup de sourates qui concernent les femmes, qui les incitent à se voiler. C'est pas vrai quand on vous dit que le Coran puis les hadiths n'obligent pas les femmes à se voiler. C'est faux. Dans le Coran, il y a plusieurs allusions au voile. Le voile... Et pour la femme qui porte un foulard islamique sur sa tête, elle vous dit deux choses. Elle vous dit d'abord, je suis soumise à l'homme. Et deuxièmement, tu es un homme qui n'est ni mon mari, ni un de mes proches de ma famille. Je dois donc couvrir mes cheveux, qui sont un attribut sexuel secondaire, afin de ne pas exciter ta concupiscence. Moi... C'est mal vu. Une femme musulmane qui va aller jaser avec son voisin, c'est inacceptable. C'est un péché. Selon la loi musulmane. Et moi, en tant que citoyen occidental canadien qui vit dans un pays civilisé moderne, je refuse ce double message. Donc, une femme qui va être voilée, qui veut communiquer avec moi, elle devra retirer son voile. Pas dans un pays musulman. J'ai visité, moi, beaucoup de pays. D'ailleurs, il y a certains de vos éditeurs vont se demander de quelle autorité ils parlent. Qu'est-ce qu'ils connaissent de ça, du berger? Bon, j'ai voyagé au Maroc, en Égypte trois fois, je suis allé au Liban deux fois, en Libye deux fois, en Syrie, en Jordanie deux fois, au Yémen, en Iran, qui n'est pas un pays arabe, mais un pays musulman intégré. Où la lapidation existerait encore. Elle existe encore. Et aussi en Israël, je connais Israël. Donc, j'ai une idée qui est probablement un peu plus nuancée que la majorité des Canadiens là-dessus. Donc, ce que je vous dis là... Tu ne détiens pas la vérité, mais tu as quand même beaucoup d'expérience et de vécu. C'est mon expérience personnelle qui me fait parler comme ça, qui me dit que l'islam, c'est le problème. Et à l'heure actuelle, ce qui se passe entre Gaza et Israël, c'est beaucoup plus une guerre entre le Hamas et Israël. C'est pas une guerre entre la Palestine, puis les Palestiniens, puis Israël. C'est le Hamas qui est un groupe terroriste, comme il y a eu au Liban, le Hezbollah, hein, contre lequel Israël a riposté avec ce que les médias de gauche ont dit, avec une force démesurée. Mais Israël est agressé à l'heure actuelle. Ouais. T'as le Hamas, t'as Fatah aussi, je pense en Jordanie, en Cisjordanie, et t'as aussi le enfin, il y a beaucoup de mouvements. Au Liban, c'est le Hezbollah. Le Hezbollah. Bon. Moi, je dis que ces gens-là, moi, je demande pas mieux que mes frères, entre guillemets, musulmans, commencent à se réconcilier avec Israël, mais il va falloir que ça commence, et ils commencent à faire le ménage à l'intérieur de leurs propres troupes. Autrement dit, que les Palestiniens mettent dehors le Hamas, et que le Liban mette dehors le Hezbollah. Mais tu vois le peuple se promène, parade avec les drapeaux du Hamas et du Fatah. Oui, écoute, même à Montréal, on fait ça. Ouais. Il y a même des gens de... Ah, c'est ancré, c'est dans leur culture. De Québec solidaire qui sont sympathisants du Hamas. Et le Hamas a été reconnu par le Canada, les États-Unis, par l'Europe, comme un mouvement terroriste. Ah, oui. Et il y a des gens à Montréal qui sortent dans les rues avec des drapeaux palestiniens et en criant « à mort ». Les Juifs. Et moi, j'ai vu, quand je suis allé à Téhéran et à Isfahan, en Iran, des blocs de pierre dans lesquels on avait sculpté « Down with USA, down with Israel ».« Abat Israël, abat les États-Unis ». Mort aux Juifs. Réjean, comment ça je t'appelle Réjean deux fois aujourd'hui? Rénal Mahomet, qui est le prophète. Est-ce que tu confirmes qu'à 50 ans, ce gars-là a épousé... je pense sa deuxième femme qui avait 9 ans. Oui, c'est vrai. Puis même on dit. Et c'est-tu vérifiable ça? Est-ce que c'est... Moi, je pense qu'à l'origine on disait 6 ans, mais je pense que 9 ans. 9 ans, c'est peut-être moins pire que 6 ans. C'est aussi grave. C'est aussi grave. Ben oui. Écoute, 50 on pourrait ans, dire que ans. C'est okay. Un pédophile. Puis je pense que Mahomet aussi. Je ne sais pas si ça c'est vérifiable. Moi, de ce que j'ai pu voir dans des documents. C'est qu'il a attaqué la tribu de son épouse, puis il a tué son père, son frère et son mari. Ouais. Et dans la même journée, il aurait couché avec la fille là, dont son père et son mari étaient tués. Là. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce qu'on a des preuves véridiques de ça? Danny, moi, j'accroche pas trop là-dessus parce que j'étais à Rome il y a à peu près un mois et je suis allé à côté du Vatican au château Saint-Angèle. Où on est arrivé là, le soleil se couchait, puis il y avait une salle qui était ouverte, qui est rarement ouverte, dans laquelle il y avait des dessins d'orgies épouvantables. C'était les Borgia, c'était des papes qui ont fait ça. Bon, ben, t'as peu, là, une orgie, puis tuer du monde, là, puis tu deviens un prophète parce que t'as tué du monde. Tu me parles de pédophilie, là, puis t'as, là. Oui. Mais chez les cathos, chez les chrétiens, il y a eu aussi des excès de ce genre-là. Il y a eu des croisades, il y a eu une inquisition, il y a eu de la violence, mais il faut voir le contexte de l'époque. Comment on peut en faire des prophètes dans ces gens-là? Ou des modèles. Bon, des modèles religieux. À l'heure actuelle, il y a deux religions dangereuses, à mon avis. La religion verte, celle qui est enseignée dans les écoles à l'heure actuelle. Mmh. L'écologisme, je parle pas d'écologie, l'écologisme, c'est-à-dire la conségration de la planète Terre comme un objet qu'il faut vénérer, qu'il faut pas heurter et qui a droit à toutes les adorations à n'importe quel prix. Et puis l'islam. Et c'est assez curieux parce que la couleur de l'islam, c'est vert. Il y a un drapeau, celui de la Libye. Ou sous Kadhafi, c'est plus maintenant le drapeau de la Libye, mais sous Kadhafi, c'était un linge vert. C'est la couleur de l'islam. Mm. Et c'est assez curieux que ce sont deux religions qui sont extrémistes. Le fait aujourd'hui qu'on divulgue l'information, qu'on amène certains faits, comment s'appelle le mouvement qui peut vouloir quasiment notre tête, là? Ce qu'on a voulu, entre autres, à Salman Rushdie, qui avait écrit les versets sataniques. Ça, c'est justement ce qui découle du fait qu'il manque de l'autorité dans cette religion-là. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de catéchisme. Tu sais, chez nous, les catholiques, on a la Bible. Oui. Hein? Mais on a le catéchisme. C'est quoi le catéchisme? C'est un gros livre, à peu près 2 pouces d'épais, je l'ai chez moi, qui dit comment un bon chrétien devrait se comporter. Ça n'existe pas chez les musulmans. Tout ce qu'ils ont, c'est les hadiths. hein, qui date de l'époque de Mohammed, dans lequel on dit, par exemple dans le Coran, la sourate numéro 8, verset 39, à propos de nous trois, là, hein, nous quatre, Marc-André aussi, écoute bien ça. Oui, parce qu'on a parlé, là, les oui. quatre, on a fait partie de la discussion. Là. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association juif-chrétien et que la religion soit entièrement à Allah. Puis un peu plus loin, sourate numéro 47, verset 4, quand vous rencontrerez les infidèles, ça c'est nous quatre, là, ici, là, tuez-les jusqu'à en faire un grand carnage et serrer les entraves des captifs que vous aurez faits. Mais en fait, on n'a pas été infidèles. Ça, c'est en 2012. Oui, mais on a juste donné de l'information aujourd'hui. Oui, oui, mais c'est en 2012. Oui. Mais moi, je dis à mes frères musulmans, entre guillemets, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si vous dites notre religion est moderne ou on n'interprète pas ça de cette façon-là, arrachez donc ces pages-là de votre Coran, OK? Ça va être un premier pas. Ensuite, foutez donc le Hamas puis le Hezbollah dehors. Modernisez votre religion. Et alors, là, on sera tous des frères. Ouais. On va partager. Mais c'est ça, on a à le dire, à le partager, mais on n'a pas nécessairement des leçons à donner parce que notre propre religion, on a un pape qui est contre l'avortement. Oui, là, hein? Oui. C'est peu dire, là. Danny, il y a beaucoup de chemin à faire chez les catholiques aussi. Ah, et puis rien qu'en masse, là. Ouais. À plusieurs niveaux. Mais quand je vais à l'aéroport de Paris, c'est notre propre religion. Puis qu'on me fait enlever les chaussures. Oui. C'est pas parce qu'il y a un groupe de cathos qui menace de mettre une bombe dans l'avion. Hein? Oui. Si on me fait enlever mes chaussures, c'est à cause d'une religion qui s'appelle l'islam. Oui. Et non pas la chrétienté, et non pas le bouddhisme. Un bouddhiste, c'est inoffensif. Y a-tu pas plus innocent qu'un bouddhiste? Innocent dans les deux sens du terme. Hein? Mais quand on entend des affaires de même, je me pose plus de questions pourquoi il y en a qui sont athées ou agnostiques. Agnostiques. C'est ça. Parce que c'est la différence entre les deux? Ben, il y en a un qui... Moi, je crois pas qu'il existe des athées. Athée, c'est ceux qui n'ont aucune croyance. Non, un athée, c'est quelqu'un qui dit « Je sais et j'affirme qu'il n'y a pas de Dieu et qu'il n'y a rien après la mort, puis que quand tu meurs comme ça. » Ça, c'est ça, un athée. Ouais. Quelqu'un qui a des preuves jusqu'à un certain point. C'est quelqu'un qui là. Affirme qu'il n'y a pas c'est de ça. Dieu. C'est ça. OK? Moi, je peux pas affirmer comme, ça. Comme quand, mettons, ouais. Rénal Duberger affirme qu'il y a eu un tremblement de terre à quelque part. Ouais. Tu le sais parce que je le sais. Parce que t'imagines mais moi, chez vous. Je le sais-tu s'il y a un Dieu ou s'il y a pas de Dieu? Hein? Moi, je suis un agnostique. Jamais vraiment, hein? Agnostique, c'est beaucoup plus sage. Ça veut dire je doute, je le sais pas. Je suis ouvert. Puis c'est moi, un bon mot pour sceptique. Oui. Puis d'ailleurs, au point de vue climat, je suis sceptique. Je suis un agnostique du climat. Ah, voilà. Oui, c'est ça. C'est la sagesse, n'est-ce pas? Oui. Ben merci bien. Alors c'est pas dangereux là quand on va sortir juste tout une chose. Oui. À propos des prix Nobel, parce que en octobre il y a deux scientifiques qui ont attaqué la famille Nobel en disant vous avez un biais vers les Juifs. Il y a eu 543 prix Nobel depuis 1901 à 817 lauréats. Si on regarde si on considère que les Juifs représentent 0,2%, seulement 0,2% de toute la population, ils ont eu 905% des prix Nobel. Il y a 137 fois plus de prix Nobel juifs que de non-juifs. OK? On peut-tu mettre ça dans notre pipe? Oui, ça, Régent nous le... Ouais. Remémore souvent. Et c'est peut-être un peuple qui a peut-être du zigzornif pas mal plus que les autres. En 78, ça me surprend un peu, mais encore. En 78, il y a un historien qui a sorti un livre, un best-seller, traduit en 15 langues, les 100 personnes les plus influentes de l'histoire. En troisième, c'était Jésus-Christ. En deuxième, Isaac Newton. Et en premier, c'était Mohammed. Oui, ça m'étonne pas. D'ailleurs, le prénom le plus populaire à Bruxelles, ça c'est une de mes amies qui m'a envoyé ça récemment, c'est Mohammed. Mohammed. Ouais. Merci beaucoup. On en reparlera. Oui. Merci bien. Bye bye. Il est 5h25 dans le 5 à 7.